cette fois-ci, c'est compris. FCF se bat pour monter. Divers et les siens sont capables d'affronter. Toutes les équipes ont froid, c'est mortel. Ils ont dit que le 9-5 est désormais tombé dans l'oubli. Ils ont craché sur ma ville. Mort, son MC. Ils disaient qu'on a tous eu la même crise. Du stylo qui fait la tête fixe. Qu'on a perdu la technique. Que nos MC n'ont plus la force de faire comme il y a 5 piges. Y'a plus d'acteurs dans le secteur. Le public, les boules, y'a plus de ferveur. Il faut dire qu'on a cru que quelques gouttes suffiraient à changer les tonnes. Et pourtant, mec, on sait. Combien l'album est tout bon. Vous pouvez jacter, pour moi ça reste classique. La vérité, man, c'est qu'on se nique. Yeah. On est plein à faire du rap, mais on s'entraide pas. Puis ça nous nique. Yeah. Oh, c'est l'unité, frère, qui fera de nous les maîtres du son, les maîtres du beat. Pour mettre les coca, coups de cric. À tous ces fils de pute qui nous piquent. Nos styles, nos flows, nos sap. Puis nos vannes, nos clashs, nos sacs. Mon frère, il faudra réviser tes classiques. Avant de dire que le 9-5 est statique. Mange et profite devant ces paumés qui t'admirent. Et qui pensent que t'es trop speed. Cette fois-ci, c'est compris. FCF se bat pour monter. Tibet et les siens sont capables d'affronter. Toutes les équipes ont froid, c'est mortel. Cette fois-ci, c'est compris. FCF se bat pour monter. Divers et les siens sont capables d'affronter. Toutes les équipes ont froid, c'est mortel. Ils ont pris la façade mâle, la façade femelle qu'ils ont mis au sommet de mon art. Ils ont dit voilà le hip-hop au public. Tenez donc, tenez donc. Ça c'est fut les stars en 2-4-6. Nous les autres on a qu'à suivre. On a qu'à faire nos prières pour que s'ouvrent les portes, frère. Mais que dire si ce n'est péter le dos, prod. Basique devient un jar de l'auto, frère. Restons forts face aux infidèles, aux travestis du rap qui veulent nous enfiler. 9-5, sois soudés. Faut s'unir sinon on aura péné pour les clopinets. 9-5, 9-5, ma vie. Ma vie, on persévère, on perd, c'est vrai gars. Le grade d'amiral du pop-bad. C'est ton mérite, mérite, par le mérite, mérite. Qu'on va accéder au zénith. Performe sur le beat et produit plus vite. Quoi en toi, il fonce droit, quoi que l'on puisse dire. Non, c'est toi le plus fort. Va toi, crois en toi, sors de ta planque. J'ai 9-5, revolutionnaire. Cette fois-ci, c'est compris. FCF se bat pour monter. Tibet et les siens sont capables d'affronter. Toutes les équipes ont froid, c'est mortel. Cette fois, c'est compris. FCF se bat pour monter. Tibet et les siens sont capables d'affronter. Toutes les équipes ont froid, c'est mortel. Vardoise, dédicace. C'est pour toi. 9-5. Big love. Big love. Big love. Love, yeah.